Et pour aider les jazzophiles à mettre au point leur agenda de fin de semaine, nous ajouterons à ce carnet l'horaire des soirées Miles Davis au Black Bottom, 22 Est rue Saint-Paul, dans le Vieux-Montréal. Il y aura présentation ce soir et demain soir à 9h30, 11h et 1h, vendredi soir et samedi soir à 10h30, minuit 30 et à l'aube, 2h30. Mais suivons le guide, suivons Raoul Duguay. C'est tout un événement pour les amateurs de jazz que la venue à Montréal de l'illustre trompettiste noir Miles Davis, qui, comme on le sait, a contribué à révolutionner l'histoire du jazz par la conception nouvelle qu'il a apportée, tant au niveau d'une redéfinition de la sonorité de son instrument qu'au niveau de l'esprit et de l'harmonie de groupe qu'il a suscité. Il y a, dans le style de Miles Davis, une continuité frappante, caractérisée par l'exploitation des sonorités pures et poreuses, délicates et volatiles, et par les contrastes qu'il établit dans un phrasé qui allie à la sévérité de la construction une grande spontanéité et une grande liberté d'expression. Auder souligne deux innovations davisiennes. La note de repos, longue, peu vibrée, moment d'apaisement au sein d'un discours tourmenté, et la note dansante, de caractère syncopé, animée d'un vibrato léger, soumise à une sorte de dérive due à de volontaires variations d'intensité. À bien entendre Miles Davis, on se rend compte de l'importance qu'il accorde au silence, conçu à la manière parkérienne. Aussi remarque-t-on toujours dans son style cette alternance de vitesse ou d'accélération et de lenteur traduite dans les lignes presque statiques. Dans les passages rapides, il laisse jaillir des salves de notes, des grappes de son avec agressivité. Dans les passages lents, on ne peut pas fixer l'instant précis où commence l'émission du son, ni celui où elle se termine. On a l'impression que le son surgit lentement du néant, comme par génération spontanée, et qu'il y retourne progressivement par fusion ou exténuation. Et comme le dit Behrendt, c'est dans le sound, dans la sonorité de Miles, que s'exprime toute une modernité désabusée, propre à des hommes qui savent bien que l'univers technique qu'ils sont censés dominer a déjà commencé irrésistiblement à les dominer. Il y a chez Miles une protestation, une contestation permanente. Pour ce qui est des autres musiciens qui entourent Miles Davis, retenons plus particulièrement le jeune batteur Tony Williams, l'une des plus grandes forces d'imagination à la batterie que je connaisse. On sait que Tony Williams est un maître de la polyrythmie et qu'il peut rendre mélodique la percussion. Wayne Shorter, au saxo ténor et soprano, perpétue la manière exaspérée et extatique de Coltrane, mais avec moins de force et moins de moyens. Le contrebassiste, le pianiste et un virtuose du clavier électrique sont tous trois des musiciens hors pair et secondent avec justesse et entrain les solistes. Ne manquez donc pas d'aller voir Miles Davis au Black Bottom cette semaine. Vous en reviendrez transformé, heureux et peut-être inquiet. Car il y a chez Miles Davis l'expression d'une sensibilité à ce point vulnérable qu'on ne peut y rester indifférent.